les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Edwige ou Edwige, feuillère, quoi qu'il en soit. Son secret du bonheur, une bonne santé et une mauvaise mémoire. L'émission qui suit n'est pas un entretien avec Edwige ou Edwige Feuillère, une évocation, quelques informations propres à satisfaire la curiosité de ses fans. Une curiosité de l'époque, simple, basique. Quelques extraits de films et le tour était joué en un quart d'heure. On courait voir le dernier film d'Edwige Feuillère. Le Radio Ciné Club, première diffusion sur Paris Inter le 17 février 1948. Le Radio Ciné Club de Lise Clarisse et Monique Senet vous présente ce soir Edwige Feuillère dans son répertoire. Sans compter dans le leur, Pierre Jourdan, Aimé Clarion, Xavier et puis d'autres. En France, l'exploitation scientifique de l'étoile. Nos vedettes se font elles-mêmes, elles poussent toutes seules. Edwige Feuillère est l'exemple le plus extraordinaire de ces self-made stars qui ont gagné le droit de vivre baignés par des lumières inexplicables. Christian Bérard, qui l'habille parfois, dit « Pour comprendre Edwige, il faut voir qu'elle est blonde et mince et savoir qu'elle est née brune et potelée. » Feuillère ou le triomphe de la volonté. Volonté de plaire, d'être belle, cultivée, indulgente, bonne comédienne, femme du monde. Première étape. Mademoiselle Edwige, Caroline Cunati, jeune fille un peu boulotte, fait des fugues et rêve. Elle habite Vesoul et tape à la machine pour son papa, entrepreneur de travaux publics. Deuxième état, 18 ans. Vigette arrive à Paris. Cours René Simon, déjà, avec Jean-Pierre Aumont. Conservatoire, premier prix de comédie avec La Parisienne, figuration décolletée dans Le Roi Pozzol aux variétés, comédie française pendant 2 ans. Mademoiselle Cunati a trouvé un pseudonyme, Cora Lynn. Début à l'écran, la fine combine avec Fernandelle. Cachet, 500 francs. Troisième état, taille de guêpe, port de Rennes, mystère, photo floue. Feuillère apparaît. Créature née pour la royauté, les diadèmes, les rivières de diamants. Mais elle se souvient encore de Coraline, car gentiment, sans histoire, Feuillère paraît toute nue dans Lucrèce Borgia. La voici, théâtrale et pathétique, dans une autre Lucrèce qui n'a rien à voir avec le premier. Je ne m'attendais pas, hein. Tu avais tout prévu sauf ça. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu ne sentais pas un peu, non? Tu avais tout prévu sauf mon arrivée au dernier moment. Au moment où le bateau partirait, te libérerait de moi sans que je puisse me défendre. Lâche. Tais-toi. Tu es un lâche, mon vol. Tu es un lâche. Tais-toi, tu vois bien qu'on nous écoute. Ah, si tu savais ce que je m'en moque. Ah, tu as la mémoire courte, Jean-Paul. Tu as tout oublié. Tu as oublié notre amour. Tu as oublié mes sacrifices. Tu as même oublié tes promesses. Mais moi, Jean-Paul, moi, je n'oublie rien. Moi, je n'ai pas oublié mes promesses. Non, tu ne vas pas. Ah, tu commences à comprendre. Tu commences à avoir peur. Tu as raison d'avoir peur, Jean-Paul. Tu as raison d'avoir peur parce que je ne vais pas partir. Je vais t'abattre comme un lâche que tu es. Non, cette fois, ça ne prend pas. Adieu, Jacqueline. Non, non, je ne veux pas. Non, non, mon amour, mon amour. Feuillère rencontre Pierre-Richard Wilm dans Barcarolle. Elle le retrouve avec La Dame aux Camélias et celle de Malacca. Sa carrière s'affirme. Mr. Flo, début de Louis Jouvet à l'écran, Marthe Richard, Feu, J'étais une aventurière, Sans lendemain. Voulez-vous entendre Antoinette, duchesse de Langeais, créature gracieuse de faiblesse et forte de sentiment, jouer sa dernière scène d'amour? Nous sommes dans le parloir du couvent. Pierre-Richard Wilm essaie de l'entraîner. Elle revient. Il allume la lettre. Il viendra à 8 heures. délire. Antoinette, toi ne parle pas. Le pouls est à peine sensible, la moindre émotion peut la tuer. Il viendra, n'est-ce pas, premier? Il viendra sûrement. Oui, je reste là, il pourrait passer sans me voir. Il pleut. C'est la première fois qu'il pleut sur moi. C'est d'où la pluie sur mes larmes. J'ai pleuré, mamie. J'ai pleuré. Il m'aime, n'est-ce pas? Sûrement, chère petite. Il m'aime plus que tout au monde. Plus que tout au monde. Oui. S'il ne m'aimait pas, il n'aurait pas trouvé le moyen de voler au-dessus des mers et des îles pour me rapporter mon manteau. Il m'a vu sans manteau sous la pluie. Et il est passé 2 minutes avant l'heure pour le jeter sur mes épaules. Comme je suis bien dans mon manteau. Il ne doit plus être loin. N'est-ce pas, Pamier? Sûrement. Il ne doit plus être loin. Puisque ses mains sont déjà là. Puisqu'elle me touche. Puisqu'elle me presse. C'est toi. Cette duchesse a déchaîné les passions. En son honneur, les midinettes essayent le genre distingué. En son honneur, les collégiens font des vers. Voici le dernier poème que Feuillère a reçu pour sa fête. Je ne peux vous offrir que ma pensée profonde, celle où je crois vous voir apportant le printemps dans l'hiver de mon cœur. Ô fleur des doux moments, recueillez tous les vœux de mon âme sincère qui vous dit « Bonne fête, Madame Edwige Feuillère ». Ses admirateurs, ses fans, comme on dit là-bas, se trouvèrent fort mystifiés par l'honorable Catherine. Cette Edwige un peu piquée, qui se promène en pyjama devant Xavier, le valet de chambre, les a interloqués. Ah, vous êtes là? La voiture est prête. La voiture? Oui, celle qui doit me conduire à la gare. Et puis, il n'y a pas de voiture, mademoiselle. Ah, oh, mais à quelle heure est le train? Mais il n'y a pas de train. Mais où est la gare? Il n'y a pas de gare. Qu'est-ce qu'il y a alors? Rien. Comment rien? Enfin, quand on veut rentrer à Paris, comment fait-on? Au téléphone? C'est, oui, on rentre par... Par téléphone. Par téléphone? Qu'est-ce que vous racontez? Qui? Vous? Moi? Oui. Rien. Mais vous êtes fou? Fou? Oui. Oh, s'il pète à mademoiselle. Mais comment s'il pète à mademoiselle? Qu'est-ce qui vous prend? Qui? Vous? Moi? Oui. Rien. Allez me chercher monsieur Jacques, je veux lui parler. Oui, madame. Allez me le chercher, allez me le chercher. Oui, mademoiselle. Mais que mademoiselle attend d'ici. Oui. Et vous, qu'est-ce que vous attendez là? Hein? Allez, je vous ai dit d'aller me chercher votre maître. Voulez-vous aller le chercher tout de suite? Que mademoiselle ne s'énerve pas, c'est très mauvais. Mais vous commencez à m'exaspérer, vous. Et puis vous allez me faire rater mon train. Laissez-moi passer. Jacques. Il vous reste encore beaucoup à apprendre. Fiche technique. À savoir par cœur. 1m65, 49 kilos, yeux marrons, cheveux châtain clair. Signe particulier, c'est chanté. Edwige ne dit jamais de bêtises. Elle est documentée. Elle annote les classiques. Elle est joueuse et voyageuse. Elle préfère les tulipes, aime les enfants, parle anglais, italien, ne danse pas, ne s'est pas fait opérer le nez. Elle aime la sincérité et dit le secret du bonheur, une bonne santé et une mauvaise mémoire. Edwige est violente. Terrible colère, coup de foudre, le 100 000 années. C'est une séductrice. Elle joue de la voix, du regard, des mains, du sourire. Elle souffre du foie. Ses sports favoris sont la pêche à la ligne et le tir au pistolet. Edwige n'a pas de voiture, elle ne sait pas conduire. Elle est indulgente, courtoise. Sa loge est toujours parfumée, pleine de fleurs et de bonbons. Elle a le goût du risque, elle aime l'amour. C'est une maîtresse de maison célébrée. Femme d'esprit, technique de la conversation autour d'un verre de Porto. Elle recherche chez les messieurs le goût, l'intelligence, les mains rassées, une jolie voix. Edwige adore les robes d'intérieur. Couleur préférée, jaune, rouge, vert. Elle choisit des fourrures mousseuses à longs poils, parce que c'est amusant d'y glisser les doigts. Déteste les personnages passifs, les états indifférents. Elle veut s'émouvoir et s'amuser, vie du changement. Son chat s'appelle Fifi, il est tout noir. Les fenêtres de son salon donnent sur la tour Eiffel. L'été dernier, Edwige a passé ses vacances en Scandinavie. Les amis qui l'accompagnaient ont filmé Edwige en liberté. Elle est paresseuse, réservée, elle manque d'assurance. Lorsque je fuis la foule, c'est par crainte de décevoir, dit-elle. Elle est étourdie, elle aime les histoires crues, qu'elle raconte de préférence dans les dîners collés montés. Invitée dernièrement chez des amis assez gelés, elle y rencontre un vieux camarade. Tout le monde ignore leur relation, Edwige se laisse présenter, bavarde. Au moment de partir, elle se tourne vers son amie avec un clin d'œil. « Alors, tu me raccompagnes ?» Stupéfaction générale. Nous n'avons pas parlé de sa vie théâtrale, ni cité la moitié de ses films. « Tant que je vivrai, La part de l'ombre » et « Cet idiot où Nastasia était si belle ». Figurez-vous, dans mon régiment, j'avais un musicien... Il est 11h. Nastasia Filipovna, c'est l'heure que vous avez choisie pour donner votre réponse. Quand le bourreau saisit par les cheveux Madame du Barry pour la placer sous la guillotine, savez-vous ce qu'elle lui demanda ? Encore un instant, monsieur le bourreau. Encore un instant, mon général. Quel rapport entre ce drame et votre mariage ? Aucun. Ma chère, vos hésitations et vos caprices me font penser... Pensez-vous ? Oh, mon cher, pendant les 8 années de notre concubinage... Ah, je vous en prie. De notre grand amour, je vous ai vu manger, boire, dormir, ronfler, mais pensez jamais, je le jure. Donne-moi la main. Non, tu es fiévreuse, tu vas dire des sottises. Laisse-moi, laisse-moi. Vous ne buvez pas ? Jamais. Et vous, petit gagne, chéri ? Comme vous êtes pâle. Vous m'en voulez de cette allusion à notre liaison ? Mais vous savez tout, n'est-ce pas ? Tout. Et vous pensez qu'avec un viveur comme Totski, il s'est passé des choses souvent, et que votre petite fiancée... Oh, je vous en supplie. Vous ne m'avez pas giflé ? Très bien. Je vous ferai un mari supportable. Nastasia. Je connais l'histoire d'une biche traquée par des chiens et des embâcherales. Elle fuyait depuis des heures avec la meute et les chasseurs acharnés derrière elle. Soudain, le dieu de la chasse lui apparut et lui dit « À quoi bon épuiser ces braves toutous, ces gentils seigneurs, et leur faire suer sang et eau avant qu'ils te dévorent ?» Cesse donc ce jeu cruel. Elle se coucha. Pour cesser de vous faire languir. Avec qui voulez-vous que je me couche ? Edwige Feuillère est actuellement en Angleterre, où elle commence L'ennemi des femmes, sous la direction de Terence Young. Londres, médusée, se passionne pour Miss Feuillère, cette parisienne parfumée, si fine, si élégante, qui a de l'humour et qui sait même parler anglais. Vêtue de robes à rêver, évoluant dans un château baroque signé Cocteau, Edwige a tourné son dernier film français parce que Jean Marais, l'anarchiste, lui avait dit « Je ne vous offre pas le bonheur, c'est un mot déshonoré. Je vous offre d'être, vous et moi, un aigle à deux têtes, comme celui qui orne vos armes. » Post-scriptum. Edwige Feuillère porte des jupes longues. C'était le Radio Ciné Club de Lise Clarisse et Monique Senez qui vous ont présenté un festival Edwige Feuillère. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur Paris Inter le 17 février 1948. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.